Quelles sont les fréquences sonores et musicales les plus positives pour l'esprit humain? 1. Introduction aux fréquences sonores et musicales. Le son et la musique sont reconnus depuis longtemps pour leur capacité à influencer les émotions humaines, à inspirer la créativité et à évoquer des sensations puissantes. Cependant, au-delà de leur valeur esthétique et ludique, les fréquences sonores recèlent également un immense potentiel de guérison et de bien-être spirituel. Cet article explore le domaine des fréquences sonores et musicales positives, explorant leurs effets profonds sur l'esprit humain et leurs applications thérapeutiques. En comprenant la science et la signification de ces fréquences, nous pouvons exploiter leur pouvoir pour améliorer notre bien-être émotionnel, mental et physique. Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous libérons le potentiel transformateur des fréquences sonores pour la guérison et la croissance spirituelle. La science derrière les fréquences sonores. Le son n'est pas seulement quelque chose que nous entendons. C'est une partie fondamentale de notre existence. Du chant des oiseaux le matin à nos airs préférés, le son joue un rôle essentiel dans nos vies. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur la science derrière les fréquences sonores? Les fréquences sonores font référence au nombre de vibrations par seconde qui créent un son particulier. Nos oreilles peuvent détecter une large gamme de fréquences, mais toutes les fréquences ne sont pas égales. Certaines fréquences peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être, tandis que d'autres peuvent nous désaccorder. Importance historique et culturelle du son dans la guérison. L'utilisation du son pour la guérison remonte à des siècles et se retrouve dans diverses cultures du monde. Du chant des moines aux battements rythmés des tambours, le son a été utilisé comme un outil puissant pour rétablir l'équilibre et promouvoir le bien-être. Dans les civilisations anciennes, les guérisseurs croyaient que certaines fréquences sonores pouvaient harmoniser le corps, l'esprit et l'âme. Ils utilisaient des instruments comme des bols chantants, des gongs et des flûtes pour créer des sons apaisants qui résonnaient avec l'esprit humain. Ces traditions ont été transmises de génération en génération et, aujourd'hui, de saines pratiques de guérison continuent de prospérer. 2. L'impact des fréquences sonores sur l'esprit humain. Explorer le lien entre le son et les émotions. Nous avons tous expérimenté à quel point certaines chansons peuvent instantanément nous remonter le moral ou nous faire pleurer. Ce lien émotionnel avec le son n'est pas une coïncidence. Des études ont montré que les fréquences sonores peuvent avoir un impact profond sur nos émotions. Différentes fréquences peuvent évoquer des réponses émotionnelles spécifiques. Par exemple, les sons de basse fréquence comme les battements de tambour profonds peuvent favoriser la relaxation et un sentiment d'ancrage, tandis que les fréquences plus élevées comme celles de la musique classique peuvent stimuler des sentiments de joie et d'inspiration. Comprendre ce lien entre le son et les émotions peut nous aider à exploiter le pouvoir de la musique pour améliorer notre bien-être. Le rôle du son dans l'éveil spirituel. Le son a longtemps été associé aux pratiques spirituelles et à l'éveil. Qu'il s'agisse du chant de mantra, du tintement des cloches ou des tonalités mélodiques d'un bol chantant, le son peut nous aider à accéder à des états de conscience plus profonds et à nous connecter à notre essence spirituelle. Dans le domaine de la spiritualité, on pense que le son a le pouvoir de transcender les limites du monde physique et de faciliter une connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il peut agir comme un catalyseur de croissance spirituelle, nous aidant à nous connecter à notre sagesse intérieure et à vivre des moments de transcendance. 3. Comprendre les fréquences sonores de guérison. Un aperçu des fréquences sonores de guérison. Les fréquences sonores de guérison sont des tonalités spécifiques ou des combinaisons de tonalités censées favoriser le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Ces fréquences sont souvent utilisées en thérapie sonore, une approche holistique de la guérison qui utilise les vibrations sonores pour rétablir l'équilibre et l'harmonie au sein du corps. Certaines fréquences sonores de guérison populaire incluent les fréquences solfège, qui sont un ensemble de tonalités musicales anciennes dotées de puissantes propriétés curatives. Chaque fréquence est associée à une intention spécifique, comme la guérison, la transformation ou l'éveil spirituel. D'autres fréquences de guérison couramment utilisées incluent les battements binauraux, qui sont créés en jouant des tonalités différentes dans chaque oreille pour faciliter la synchronisation des ondes cérébrales. Les bienfaits de la thérapie sonore. La thérapie sonore est reconnue pour ses nombreux bienfaits. Il a été démontré qu'il réduit le stress, favorise la relaxation, améliore la qualité du sommeil, améliore l'humeur et atténue les symptômes d'anxiété et de dépression. De plus, la thérapie sonore a été utilisée comme traitement complémentaire pour diverses affections physiques, notamment la douleur chronique, l'hypertension artérielle et les troubles digestifs. Les effets thérapeutiques du son peuvent être attribués à sa capacité à entraîner les ondes cérébrales, à réguler les émotions et à stimuler la libération d'endorphines, les analgésiques naturels du corps. La thérapie sonore offre une manière non-invasive et agréable de favoriser le bien-être général et d'exploiter le pouvoir curatif du son. 4. Explorer les fréquences sonores positives pour le bien-être spirituel. Le pouvoir des fréquences sacrées dans les pratiques spirituelles. Certaines fréquences ont été vénérées comme sacrées tout au long de l'histoire, censées véhiculer des propriétés divines et élever la conscience. Un exemple est la fréquence de 432 Hz, souvent appelée fréquence sacrée. On pense qu'il résonne avec les rythmes naturels de l'univers et favorise un sentiment de paix, d'harmonie et de connexion. Dans les pratiques spirituelles telles que la méditation, le chant et la prière, l'utilisation de fréquences sacrées peut améliorer l'expérience, permettant aux individus d'approfondir leur connexion avec le divin et d'accéder à des états de conscience supérieurs. Explorer et incorporer ces fréquences sonores positives dans nos pratiques spirituelles peut amplifier leurs effets transformateurs. Utiliser le son pour améliorer la méditation et la pleine conscience. Les pratiques de méditation et de pleine conscience sont renforcées par le pouvoir du son. Le doux tintement des cloches ou le son rythmé d'un mantra répétitif peuvent agir comme des points d'ancrage, nous aidant à rester présents et concentrés pendant notre pratique. Le son peut également être utilisé pour créer un environnement apaisant et apaisant pour la méditation. Les sons doux de la nature, la musique d'ambiance ou le bourdonnement tranquille des bols chantants peuvent créer une atmosphère sereine propice à la relaxation et à une profonde introspection. En incorporant le son dans nos routines de méditation et de pleine conscience, nous pouvons élever l'expérience et exploiter le potentiel transformateur des fréquences sonores pour notre bien-être spirituel. 5. Le rôle de la musique et ses effets positifs sur la guérison émotionnelle. La musique comme outil de libération émotionnelle et de guérison. La musique a une incroyable capacité à puiser dans nos émotions et à fournir un canal de libération émotionnelle et de guérison. Que nous traversions une rupture difficile, que nous nous sentions submergés de stress ou que nous ayons simplement besoin d'un regain d'humeur, la musique a le pouvoir de nous élever et de nous réconforter. Cela nous permet d'exprimer nos émotions et de trouver du réconfort dans les mélodies qui résonnent avec nos expériences. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez déprimé, augmentez le volume et laissez le pouvoir de guérison de la musique opérer sa magie. Choisir une musique qui élève et nourrit l'âme. Lorsqu'il s'agit de choisir une musique qui a un impact positif sur notre esprit, il est important de prêter attention aux sons et aux fréquences qui résonnent en nous. Que vous préfériez des mélodies douces, des airs entraînants ou des compositions complexes, la clé est de sélectionner une musique qui élève et nourrit votre âme. Expérimentez avec différents genres et artistes pour trouver ce qui vous parle profondément. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en matière de musique, il s'agit avant tout de trouver ce qui vous apporte joie et réconfort. 6. Fréquences sonores pour la relaxation et la réduction du stress. Les effets apaisants des sons basse fréquence. Vous êtes-vous déjà senti instantanément détendu lorsque vous entendez le doux grondement des vagues de l'océan ou le bourdonnement apaisant d'un bol chantant tibétain? En effet, les sons de basse fréquence ont un effet apaisant inné sur notre corps et notre esprit. Ces fréquences, souvent trouvées dans la nature ou reproduites par divers instruments, contribuent à ralentir notre rythme cardiaque, à réduire les tensions musculaires et à favoriser un sentiment de tranquillité. Alors, si vous vous sentez stressé ou dépassé, essayez de vous entourer de sons apaisants pour retrouver votre paix intérieure. Les bains sonores et leurs bienfaits thérapeutiques. Les bains sonores ont gagné en popularité en tant que forme de thérapie de relaxation et de réduction du stress. Pendant un bain sonore, vous vous allongez et vous plongez dans une symphonie de sons curatifs créés par divers instruments, tels que des bols de cristal et des gongs. Lorsque les fréquences et les vibrations vous envahissent, elles aident à relâcher les tensions et favorisent un état de relaxation profonde. Non seulement les bains sonores peuvent offrir une évasion bienheureuse des exigences de la vie quotidienne, mais ils peuvent également améliorer votre bien-être général et rétablir l'équilibre de votre corps et de votre esprit. 7. Exploiter le pouvoir du son pour la guérison physique et mentale. Thérapie sonore pour la gestion de la douleur et la réadaptation. Au-delà de ses bienfaits émotionnels, le son a également été exploité pour la guérison physique. La thérapie sonore, sous forme de fréquences et de vibrations spécifiques, s'est révélée prometteuse dans la gestion de la douleur et dans le soutien à la réadaptation. Ces sons thérapeutiques peuvent stimuler la libération d'endorphines, les analgésiques naturels de notre corps, et faciliter le processus de récupération. Ainsi, la prochaine fois que vous souffrirez d'un inconfort physique ou que vous entreprendrez un voyage vers la guérison, envisagez d'intégrer une thérapie sonore à votre plan de traitement pour un coup de pouce supplémentaire. Utilisez le son pour améliorer la clarté mentale et la concentration. Si vous avez déjà eu du mal à vous concentrer ou si vous vous êtes sentimentalement confus, le son peut venir à votre secours. Il a été démontré que certaines fréquences, telles que les ondes alpha et bêta, améliorent la fonction cognitive, améliorent la concentration et favorisent la clarté mentale. Que vous optiez pour une musique de fond ambiante, un bruit blanc ou des battements binauraux, l'intégration de ces fréquences sonores dans votre routine de travail ou d'étude peut vous aider à aiguiser votre esprit et à augmenter votre productivité. 8. Intégrer des fréquences sonores de guérison dans la vie quotidienne. Cultivez un environnement inspiré du son à la maison ou au travail. Créer un environnement inspiré du son à la maison ou au travail ne nécessite pas de studio d'enregistrement ni d'équipement coûteux. Commencez par introduire des éléments comme des carillons éoliens, des sons de la nature ou même une petite collection d'instruments de musique. Jouez une musique de fond qui correspond à votre humeur et à vos intentions, et invitez les sons apaisants de la nature à l'intérieur avec des fenêtres ouvertes ou une mini fontaine d'eau. En organisant consciemment le paysage sonore qui vous entoure, vous pouvez cultiver un espace qui favorise la relaxation, la créativité et le bien-être général. Conseil pratique pour intégrer la guérison par le son dans les routines quotidiennes. Intégrer la guérison par le son dans vos routines quotidiennes ne doit pas nécessairement être compliqué ou prendre beaucoup de temps. Essayez de commencer votre journée par quelques minutes d'écoute attentive de musique inspirante ou de sons de la nature. Pendant les pauses ou les moments de stress, prenez quelques respirations profondes tout en vous concentrant sur des sons apaisants pour réinitialiser votre esprit. Pensez à intégrer des applications ou des listes de lecture de thérapie sonore à votre routine de détente du soir pour vous préparer à une nuit de sommeil réparatrice. En apportant de petits ajustements à vos rituels quotidiens, vous pouvez intégrer sans effort les vibrations positives de la guérison sonore dans votre vie. En conclusion, l'exploration des fréquences sonores et musicales positives révèle l'incroyable potentiel qu'elles recèlent pour l'esprit humain et la guérison. que ce soit grâce à l'utilisation de fréquences sonores de guérison spécifiques, au pouvoir thérapeutique de la musique ou à l'incorporation du son dans la vie quotidienne, nous avons vu comment le son peut avoir un impact positif sur notre bien-être émotionnel, notre spiritualité et notre santé en général. En adoptant et en exploitant le pouvoir du son, nous nous ouvrons à un monde de possibilités de croissance et de transformation personnelle. Continuons à explorer et à adopter les qualités curatives et édifiantes du son, en les intégrant dans nos vies pour nourrir notre âme et promouvoir le bien-être holistique. Voici quelques-unes des fréquences sonores de guérison les plus connues. 528 Hz, la fréquence de l'amour et de la transformation. Elle est souvent appelée la fréquence de l'ADN de guérison et est associée à la réparation de l'ADN, à la régénération cellulaire et à la transformation personnelle. 432 Hz, souvent considérée comme la fréquence naturelle de la musique et utilisée pour accorder certains instruments de musique. Elle est censée favoriser la relaxation, l'équilibre et la réduction du stress. 639 Hz, associée à l'harmonie relationnelle et à la guérison des relations. On dit qu'elle peut aider à améliorer les interactions sociales, à renforcer les liens et à favoriser la communication. 741 Hz, liée à l'expression de soi, à l'expression créative et à la résolution de problèmes. Elle est souvent utilisée pour stimuler la créativité et faciliter la résolution de conflits. 852 Hz, associé à l'éveil spirituel, à l'intuition et à la conscience supérieure. On dit qu'elle aide à ouvrir l'esprit à de nouvelles perspectives et à stimuler la croissance spirituelle. 963 Hz, souvent considéré comme la fréquence de Dieu et associé à la réalisation de soi et à l'unité avec le cosmos. Elle est utilisée pour stimuler la spiritualité et la connexion avec le divin. FAQ 1. Quelles sont les fréquences sonores de guérison? Les fréquences sonores de guérison font référence à des vibrations ou à des tonalités spécifiques censées avoir des effets thérapeutiques sur le corps, l'esprit et l'esprit. Ces fréquences sont souvent associées à la promotion de la relaxation, à la réduction du stress et à la facilitation de la guérison émotionnelle et physique. 2. Comment les fréquences sonores peuvent-elles avoir un impact positif sur l'esprit humain? Les fréquences sonores peuvent avoir un impact positif sur l'esprit humain en améliorant le bien-être émotionnel, en favorisant la connexion spirituelle et en favorisant un sentiment de paix intérieure. On pense que certaines fréquences s'alignent sur la fréquence vibratoire naturelle du corps, aidant ainsi à rétablir l'équilibre et l'harmonie au sein de l'individu. 3. La musique peut-elle vraiment avoir des effets curatifs? Oui, la musique peut avoir des effets curatifs. Des recherches ont montré que la musique peut influencer l'activité cérébrale, les réponses physiologiques et les états émotionnels. Il a été utilisé comme outil thérapeutique pour diverses conditions, telles que la réduction de l'anxiété, l'amélioration de l'humeur et la gestion de la douleur. 4. Comment puis-je intégrer des fréquences sonores curatives dans ma vie quotidienne? Il existe plusieurs façons d'intégrer des fréquences sonores curatives dans votre vie quotidienne. Vous pouvez explorer des pratiques telles que les bains sonores, la méditation avec le son ou écouter des listes de lecture spécialement organisées de musique curative. De plus, vous pouvez créer un environnement apaisant en incorporant des sons apaisants ou en utilisant des appareils de thérapie sonore dans vos espaces de vie ou de travail. Page 19, nous allons voir comment pratiquer la gratitude. Page 19.